Vivre libre, Raphaël Beaumont. Vivre libre, liberté en Christ. Vivre libre, vivre libre. Une émission de Fréquence Vie. Amis auditeurs, bienvenue à votre émission Vivre libre. Celui qui assure la mise en onde aujourd'hui, c'est Emmanuel Yao. Dieu nous donne la vie et la vie en abondance. Et nous devons la vivre dans sa présence et continuellement intime à lui. Dans ce parcours de notre existence, il arrive parfois des situations dramatiques et tragique, des choses qui arrivent involontairement. Et parfois, pour une petite négligence, un drame est vite survenu. Aujourd'hui, amis auditeurs, nous voulons parler d'un sujet assez sensible. Et cela s'adresse particulièrement à chacun d'entre vous. Nous voulons parler des abus, abus sexuels. Amis auditeurs, prêtez attention à chaque instant de cette émission. Vous avez déjà probablement été une fois abusé ou vous êtes menacé, vous êtes harcelé. Les abus sexuels concernent aussi bien les hommes, les enfants et les femmes. Les hommes parce que ils sont souvent les abuseurs. Les enfants qui sont souvent des victimes. Des femmes, la première cible. Et parfois, dans certains pays, l'abus sexuel, des viols, constitue une arme diabolique. Amis auditeurs, pour en parler, nous recevons un invité. Un invité qui s'y connaît et vous en parlera en long et en large dans une série d'émissions. Son nom, c'est Robert Assier. Robert Assier. Probablement, vous l'avez déjà entendu sur nos ondes ou dans un séminaire et il va nous parler de ce sujet-là. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Dans un premier temps d'entrée, nous allons lui faire cette question. Comment est-ce qu'on définit l'abus sexuel? Qu'est-ce qu'un abus sexuel? Merci, frère Raphaël. Avant de définir l'abus sexuel, je voudrais relever que la sexualité de l'être humain est l'un des actes qui le touche le plus intimement. Ouais. Et dès lors que cette sexualité n'est pas vécue dans un contexte d'amour et de sécurité, il cause des dégâts énormes. Quand il n'est pas partagé. Quand il n'est pas partagé. Malheureusement, cette tragédie a toujours existé et continue de faire des ravages aujourd'hui. Et comme vous l'avez indiqué tout à l'heure, il constitue l'un des désastres, les plus graves désastres de notre humanité aujourd'hui. Alors, pour ce qui est de la définition de l'abus sexuel, on peut retenir que c'est tout contact ou toute interaction qui peut être verbale, visuel ou psychologique, par laquelle une personne se sert d'une autre en vue d'une stimulation sexuelle, la sienne ou celle d'une autre personne. Mm-hmm. En des termes plus clairs, l'abus sexuel peut désigner toute forme d'interaction sexuelle sous la contrainte entre deux personnes dont une se trouve en position de pouvoir par rapport à l'autre. Oui. Et c'est donc une violation du caractère sacré de l'intégrité de la personne humaine et cela provoque toujours un traumatisme. L'abus consiste à dépasser les limites du respect de la personne. Il consiste à manipuler, à tromper, à égarer, à exploiter la confiance de la personne. C'est tout simplement un crime. Oui. Voilà en quelques mots comment on peut définir l'abus sexuel. L'abus sexuel est classé comme un crime contre l'humanité. Tout à fait. Tout à fait. C'est pour cela que de nos jours, parmi les comment on appelle ça, les raisons pour lesquelles on traduit les gens à la Cour pénale internationale, mm-hmm. il y a l'abus sexuel. L'abus sexuel. Mm-hmm. Voilà. Donc c'est un crime contre l'humanité. Oui, il est classé parmi les délits. Les délits. Mm-hmm. C'est un délit très grave. Et comme vous l'avez dit, qui a toujours des conséquences tragiques dans la vie des personnes abusées. Tout à fait. Nous allons le voir tout le long de cette émission. Oui. Les enfants sont victimes, les femmes, et parfois des garçons, des petits garçons. Bien sûr. Les hommes des petits garçons comme des hommes. Est-ce qu'on peut parler des hommes adultes qui subissent un abus sexuel? Oui, si je prends le cas d'un travailleur au sein d'une entreprise, un homme qui travaille dans une entreprise peut être harcelé sexuellement, oui. et finir par être abusé. Le terme qui est le plus reconnu, c'est quand on parle de viol. Est-ce qu'un homme peut être violé? Bien sûr. Dès l'instant où l'acte sexuel est réalisé contre son consentement, il s'agit d'un viol. Mais pour les hommes, est-ce qu'il peut être violenté, bousculé, parce que pour une dame, c'est vrai, c'est forcé, mais pour un homme, pour qu'il soit amené à avoir des relations sexuelles sous la contrainte, est-ce que ça, c'est vraiment possible par une femme d'abuser? Parce que l'homme, il faut qu'il soit excité, il faut qu'il soit en mesure de vouloir y aller. Une anecdote, j'ai lisé un jour un article dans un journal quelque part, où il a été fait mention de, je crois que c'était en Russie, oui. d'une femme qui s'est retrouvée avec un cambrioleur, oui. et elle a réussi à maîtriser le cambrioleur. Oui. Et comme représailles, elle l'a violé pendant toute une semaine. Ah bon? Ah oui. Ça veut dire qu'il y a des femmes suffisamment vigoureuses, hein, qui peuvent avoir plus de force que l'homme et puis en abuser. La stimulation de l'homme est oui. plus facile que celle de la femme. Ah. Généralement, l'homme est touché par ce qu'il voit. C'est-à-dire que quand on parle de sexualité, il est plus difficile pour une femme de vouloir l'acte sexuel, de s'engager dans l'acte sexuel qu'un homme. Parce qu'un homme, il suffit qu'il voit les parties intimes d'une femme ou bien pour être excité. Voilà. Encore que si celle qui est en face d'elle, même si c'est dans un cadre d'agression, il met la séduction, mais c'est vite fait. Donc oui, un homme peut facilement être subi l'abus sexuel. Voilà, tout à fait. D'accord. Alors, donc est-ce qu'il existe plusieurs types d'abus? Oui, essentiellement, il y a deux grands types ou bien deux grandes catégories d'abus sexuels. Il y a ce qu'on appelle les abus d'interaction. Nous allons essayer d'en parler en détail. Et puis, la deuxième catégorie, c'est les abus de contact. Alors, les abus d'interaction, il y en a essentiellement trois types. On les qualifie comme tels parce qu'ils résultent d'une interaction, d'une communication entre l'abuseur et sa victime, soit de façon verbale, c'est-à-dire en échangeant, hein, à travers le discours, les paroles utilisées, voilà, on peut abuser de son interlocuteur, et soit de façon visuelle, à travers les regards, à travers certaines images. Et là, nous rentrons dans le domaine de la pornographie, par exemple. Et puis, il y a l'aspect des abus psychologiques ou affectifs. Alors, pour ce qui est des interactions verbales, par exemple, c'est tout ce qui est parole qui, d'une manière ou d'une autre, sollicite l'autre sans son accord. Comme l'usage de termes sexuels, d'insinuations, Par exemple, une maman qui invite son ado à prendre une douche avec elle. Mm-hmm. Est-ce que vous comprenez un peu? Oui. Voilà. Bon, un ado qu'une maman invite à prendre une douche avec elle, il y a une idée derrière. Oui. Même si on ne passe pas à l'acte, mm-hmm. mais déjà, pour un ado, pour quelqu'un qui a atteint une certaine maturité au plan sexuel, déjà, ça déclenche quelque chose. Mm-hmm. Voilà. Et puis, certaines paroles, certains termes qui ont trait à la sexualité, hein, qu'on utilise en présence de quelqu'un qui ne devrait pas les entendre, c'est un abus sexuel. Par exemple? Bon, c'est un peu... On va le dire. Voilà. Des auditeurs en ont besoin pour savoir à quel moment quelqu'un est en train de les manipuler pour essayer de les abuser. Voilà, chuchoter aux yeux, aux oreilles de quelqu'un en présence de qui on est, j'ai envie de faire l'amour, par exemple. Alors, donc, si nous comprenons bien, dire des choses à une personne qui ne devrait pas l'entendre, voilà, est une forme d'abus. D'abus, tout à fait. C'est pas votre femme, c'est pas votre mari, et puis vous lui dites ça, alors que vous savez que les personnes à qui on doit dire ça, ce sont des personnes avec qui vous avez le droit d'avoir une intimité sexuelle. Alors, dans quelle intention ça devient un abus? Quand il dit à quelqu'un, ah, j'ai envie de faire l'amour, oui. Il le dit à une jeune fille, ou le mot simplement, pour être un peu plus précis, dire à quelqu'un, j'ai envie de faire l'amour, est-ce que c'est l'intention qui est derrière, qui est jugée, ou c'est le fait de le dire simplement? C'est les deux. Parce qu'en le disant, il y a une intention derrière. Est-ce que quelqu'un ne peut pas le dire sans intention? Oh, pourquoi on le dirait sans intention? Pourquoi je dirais au frère Bonny, j'ai envie de faire l'amour? Mm-hmm. Si je le dis, c'est que j'en ai vraiment envie. En ce moment, cette forme d'abus-là, c'est aussi bien une femme peut le dire à un homme qu'à une fille. Ah oui, parce que les abuseurs, nous l'avons dit d'entrée de jeu, les abuseurs se trouvent des deux côtés. Mm. Les abuseurs peuvent être des deux sexes. Donc un homme peut le dire à une femme comme une femme peut le dire à un homme. Voilà. Mm. Ou bien un homme peut le dire à un enfant. Une femme peut le dire à un enfant. Alors, un ami qui le dit à un autre ami, « Ah, oh, j'ai envie de faire l'amour », ça aussi c'est une autre forme d'abus, parce que c'est le mot là. Oui, bon. Deux amis ou deux jeunes filles qui se le disent, « Ah, aujourd'hui j'ai envie de faire l'amour ». Bon, non, là on ne peut pas parler d'abus. On ne peut pas parler d'abus parce qu'il y a une certaine intimité qui existe, et certainement qu'habituellement, ces deux amis-là ont l'habitude de partager ces genres de fantasmes, d'idées. Alors, en ce moment, deux amis oui. Du sexe masculin et féminin qui ont l'habitude de se partager des intimités et l'un qui dit à l'autre, j'ai envie de faire l'amour aujourd'hui. Est-ce que ça, c'est un abus? C'est pourquoi je parle de la motivation, de l'intention qui est derrière au moment où on le dit quand on parle d'abus verbal. Parce que deux copains, ils sont tellement liés, hein, une jeune fille, un garçon, ils ont l'habitude de se dire des choses, de se dire, comme on le dit, de se balancer des mots comme ça. En le disant, il peut ne pas avoir l'intention, il peut l'exprimer. Parce que, est-ce qu'en ce moment-là, on parle véritablement de la motivation, de l'intention qui est derrière le mot qui est verbalisé? Bon, il faut que nous comprenions que, peut-être on va le voir un peu plus devant, c'est que l'abuseur, c'est quelqu'un qui prémédite son action sur un long temps souvent. Oui. Ça peut se faire pendant plusieurs heures, voire plusieurs années. D'années. Il prend son temps. Il prend son temps. Il va commencer par des mots. Il va commencer par des mots, il va commencer par des petits gestes pour mettre en confiance sa future victime. Oui. De sorte que cette dernière ne se doutera de rien. Mmh. Elle ne cherchera pas à se procurer des armes de défense parce qu'elle s'est dit que je suis en face de quelqu'un d'inoffensif. Oui. Voilà. Jusqu'à ce que contre toute attente. Et c'est pour cela que j'avais voulu que nous puissions lire ou bien citer ce passage de 2 Samuel chapitre 13 que nous connaissons, qui relate l'inceste entre Amon et sa demi-sœur. Oui, les enfants de David. Les enfants de David. Vous voyez, comment elle s'appelle Tamar. Tamar n'a jamais imaginé. Douter un instant voilà. Que son frère pouvait. Quand on lui a demandé d'aller préparer pour son frère qui était malade. Elle ne s'est jamais douté d'un seul instant. Donc, toujours est-il que ça part d'un point, souvent par des paroles. Donc, les motivations qui sont derrière les paroles qui sont dites, quand c'est intentionnellement, l'abuseur va aller étape par étape. Donc, on peut continuer dans les étapes, oui. Voilà. Bon, mais avant d'arriver aux étapes, je souhaiterais qu'on finisse avec les différents... Oui, c'est cela que je fais allusion. Voilà. Ok, on peut y aller. Ok, donc après les interactions verbales, mm-hmm. il y a ce qu'on appelle l'abus visuel. Visuel, voilà. L'abus visuel. Comment cela se présente? Alors, c'est tout simplement lorsque la victime ou la future victime est invitée à regarder des scènes ou des images érotiques. Donc, quand quelqu'un vous invite, viens voir un film. Voilà. C'est un film pornographique. Voilà. Viens, quand quelqu'un vous invite à cela, dites, ah non. Voilà. Il faut que un signal d'alarme se déclenche en vous. Tout à fait. Parce qu'il ne devait pas regarder ce film avec vous. Donc, pour nos jeunes filles, même pour nos jeunes garçons, quelqu'un qui vous invite à regarder un film pornographique, attention, c'est pourquoi une alerte. Il le fait. Voilà. Dites-vous. Quelle intention? D'abord, il faut le refuser immédiatement parce qu'il y a l'Esprit de Dieu en vous-même qui vous montre que ce n'est pas bon. C'est ça. Vous vous retrouvez seul dans un salon, quelque part, où vous êtes isolé avec quelqu'un qui peut vous être familier, mais qui met devant vous un film pornographique. Elle ne devrait pas, enfin, la personne ne devrait pas le faire pour une question de bonne mœurs. De bonne moralité, elle ne devrait pas le faire. Mais dès l'instant où vous êtes en présence d'un oncle, d'une tante, ou bien d'un collègue, de n'importe qui met par exemple, qui vous suggère de regarder un film pornographique, il faut se dire qu'attention, il y a quelque chose qui... D'anormal. En d'autres termes, que ce soit par des paroles ou bien par des films, il essaie de vous mettre en condition pour pouvoir aller un peu plus loin. Tout à fait. Il vous prépare parce que ce sont des choses qui excitent. Et si vous laissez aller à son jeu, vous allez tomber dans son piège. Ouais. Alors, verbal, visuel. Et enfin, il y a l'abus psychologique. L'abus psychologique ou affectif qui consiste... c'est à ce niveau-là, ça peut faire intervenir et la vue et la parole. Ou bien les gestes aussi. Voilà, et les gestes. Pratiquement souvent tout à la fois. Par exemple, une mère qui partage avec son fils ses difficultés sexuelles conjugales avec son mari. Et qui lui demande du soutien, et des conseils, du réconfort, c'est subtil. Mais cette femme-là, elle est en train d'abuser. Parce que si une maman dit à son fils, mon mari ne me satisfait pas au lit, ceci, cela, je suis déçu, quel résultat elle recherche? Ce n'est pas la personne indiquée pour entendre ces choses. Les conseillers conjugaux sont bien placés pour jouer ce rôle, les pasteurs souvent, mais pas votre fils. Donc, dès l'instant où elle le fait, ça veut dire que, quelque part, elle a des intentions malveillantes. Voilà. Mais cette forme d'abus entre mère et fille, est-ce que c'est courant ici, en Afrique, en Côte d'Ivoire particulièrement? C'est pas beaucoup plus... en Occident? Vous savez, aujourd'hui, la société africaine et particulièrement la société ivoirienne s'est tellement occidentalisée oui. que, bon, je ne doute pas un seul instant que ces choses soient très courantes en Côte d'Ivoire. Je n'en doute pas. L'évolution, oui. Ça vient avec tout voilà. Son corollaire. De... Voilà. Et on appelle ça évolution. Bon, voilà. Déchéance plutôt. Alors, donc, et ce type d'abus, il peut bien s'agir d'abus sexuels d'un père vis-à-vis de son fils au masculin. Oui. Ouais. Puisque d'un oncle aussi, neveu. Voilà. En fait, yes. En fait quand on prend une famille, tous les membres, au sein de tous les membres d'une famille, il y a possibilité d'abus sexuel. Oui. Quel que soit le lien, le lien filial qui existe. Père contre fils, père contre neveu, contre nièce, père contre... Donc, la possibilité d'abus est à tous les niveaux. À tous les niveaux. Oui. À tous les niveaux. Et quand on lit la une des journaux aujourd'hui, c'est courant, un père abuse de sa fille, de temps. Bon, ça, c'est devenu tellement vulgaire aujourd'hui. Ah, viens me mettre la pommade sur mon dos. Voilà. Voilà, viens prendre, mettre la pommade sur mon dos. Oui. Le père qui utilise sa fille comme le substitut de sa femme. Oui. Mmh. Ou comme une confidente. Qui lui raconte ses fantasmes, ses aventures. Bon. Donc, en d'autres termes, faisons attention pour nos sœurs à tout ce que vous entendez, tout ce qu'on vous dit et tout ce qu'on vous propose et tout ce qu'on essaie de vous confier, de faire avec vous. Comme la Bible dit, d'être saint, c'est à tous ces niveaux-là. Tout à quand fait. Quand vous sentez un dérangement à l'intérieur de vous, quand vous entendez, quand vous voyez ou quand vous constatez quelque chose, cela doit déclencher quelque chose en vous. Et je crois que cette émission sera là pour vous amener à vivre librement votre existence et ne pas être manipulé d'une manière ou d'une autre par ceux qui vous abusent. Et faisons attention à nous-mêmes dans nos motivations, tous les hommes. Attention, attention, parce que l'abuseur peut être caché partout, même dans l'église. Et probablement, nous aurons des témoignages, oui, même dans les églises, des soi-disant hommes de Dieu qui abusent de leurs fidèles. Ça, c'est courant. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Ok. Donc, l'abuseur peut être n'importe qui. Oui. Il peut sortir de n'importe où. Il peut occuper n'importe quel statut social. Oui. Dans la société comme dans la famille. Oui. Donc, on n'est jamais à l'abri d'un abus. Et il peut bien s'agir de Monsieur Tout-le-Monde. Monsieur Tout-le-Monde. Le patron. Le patron, même le père. Même le père, oui, là on l'a souligné. Voilà. Le voisin. Le voisin. Le tonton. Le tonton gentil qui vient à la maison. Il faut être qui... prudent. Prudence voilà. À tous nos sœurs. Prudence aux femmes. Voilà, aux enfants, aux jeunes gens. Oui. Nous allons venir probablement dans une prochaine émission des enfants particulièrement et parler aussi surtout de comment amener les enfants à se protéger eux-mêmes. Tout à bien fait. Vrai qu'ils sont enfants. Il y a une possibilité. Oui, je vous l'ai dit à mes auditeurs, aussi paradoxal que cela puisse vous le paraître, les enfants ont la possibilité de se protéger contre les abuseurs. Nous allons vous donner la technique bientôt. Alors, frère, nous allons conclure cette première session-là, votre dernier mot, et nous reviendrons la semaine prochaine. Alors, ce qu'il convient de retenir, c'est que l'abus sexuel, pour ne pas dire les abus sexuels, sont une réalité. Aujourd'hui, comme elles ont été hier, et si nous n'y prenons pas garde, elles seront encore des réalités demain, qui vont continuer à ronger, à détruire nos familles, nos foyers, nos enfants. Donc il est bon que, en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions prendre les dispositions pour freiner ce fléau dans nos milieux. Amis auditeurs, merci de nous avoir suivis. Emmanuel Diao assure la mise en onde de cette émission. Nous recevions le frère Robert Assier, qui sera avec nous la semaine prochaine. Merci et vous avez la possibilité de nous appeler et de nous partager votre témoignage ou une situation que vous souhaiteriez avoir entendre ici et avoir des réponses. Vous avez la possibilité de nous écrire et nous appeler 48 248 548. Merci, au revoir.